Je veux chanter et proclamer le nom de l'Éternel. Je désire te visiter et faire passer toute sa bonté. Je veux chanter et proclamer le nom de l'Éternel, lui désire te visiter, faire passer toute sa bonté. Je veux louer et adorer le nom de l'Éternel, lui désire te remplir de sa joie, de ses désirs. Je chanterai à jamais Jésus justifié, une fois pour toutes et à jamais. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Alléluia, je veux chanter à jamais la joie de l'Éternel, lui désire te combler de grâce, de sa piété. Je veux chanter et proclamer